بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في سورة التحريم l'interdiction في المسألة 94 بعد المئة 94 مسألة في قوله تعالى يعني عن مريم وكانت من القانتين verset 12 dans le sens où Allah a dit qu'elle était parmi ceux qui se tiennent constamment sur l'obéissance d'Allah azawajal. Et ça, le onot bita, c'est la constance et le fait de perdurer sur l'obéissance. Ou onot bita, ça c'est le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah azawajal. Ne pas confondre entre les deux. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala la yakhfa ma yasbiqu ila adh-dhihn min anna al-mar'ata laysat min ar-rijal wa ta'ala lam yaqul min al-qanitat. Donc là, il a dit qu'il n'y a rien qui n'échappe à l'esprit du fait que la femme ne fait pas partie des hommes et que Allah n'a pas dit min al-qanitat, c'est-à-dire on l'a employé un pluriel féminin. Mais là, il a décrit Maryam, on la retrouve dans un pluriel masculin. Donc là, cela peut poser problème à certaines personnes. Il dit pourquoi Allah Azza wa Jalla parle d'une femme et il utilise le jam muzakkar salim, le pluriel qui à la base est employé pour les hommes, pour elle. قال والجواب هو إدباق أهل اللسان العربي على تغليب الذكر على الأنثى في الجم. فلما أراد أن يبين أن مريم من عباد الله القانتين وكان منهم ذكر وإناث غرب الذكر غلب عفوا غلب الذكر كما هو الواجب في اللغة العربية. Donc il a dit tout simplement c'est que ça c'est une application de la langue des règles de la langue arabe. Le fait de faire prédominer le masculin sur le féminin lors du pluriel. Et cela même en français cela existe. En langue française cela existe. Lorsqu'on a un groupe d'hommes et un groupe de femmes, on va employer ils au pluriel. Ils ont fait, ils feront, ils pourront, ainsi de suite, alors que des femmes sont comprises dans la chose. Donc la langue arabe également a cette même règle. Et peut-être même qu'elle a avant la langue française, car à la base la langue arabe est une langue plus ancienne que la langue française qu'on a actuellement. Donc lorsque Allah Azza wa Jal a voulu démontrer que Maryam faisait partie justement de ces Qanitin, qui eux comportent des hommes, des hommes et des femmes, alors le masculin l'a emporté sur le féminin et Allah Azza wa Jal a employé la femme plurielle masculine. Et cela est obligatoire en langue arabe. Si des hommes et des femmes, quand bien même elles seront plus nombreuses, mais pour la présence d'un seul homme parmi elles, on emploiera le djem, le pluriel masculin. Même si l'homme est tout seul et qu'il y a 10 femmes avec lui, on dira « hum fa'alou ». Ils ont fait. Et en français également. « Qala wa naziruhu »« Qawluhu ta'ala »« Innaka kunta min al-khati'in » Surat Yusuf, également ce qu'il a dit Allah Azza wa Jalla à propos de la femme du Aziz qui a voulu séduire Yusuf, lorsqu'elle a été dévoilée, il lui a été dit « Certes, tu fais partie du nombre des fautifs ». Et là, il a dit « Innaki kunti nil khati'in ». Il n'a pas dit « nil khati'at ». Il a dit « khati'in », fautif au masculin. « Wa qawluhu ta'ala innaha kanat min qawmin kafirin » et qu'elle faisait certes partie d'un peuple mécréant. En parlant de la reine de Saba à l'époque. Surat Nam, les abeilles, ou plutôt le fourmi, verset 43. Donc cela est une chose qui est courante en langue arabe et même obligatoire. نعم هذا هو الجمع بين الآيات والحمد لله رب العالمين